N'oubliez pas d'aimer votre mère, puis slow your mom. Et écoutez la chanson. Suicide à Montréal, journal sans presse, vidant parler comme Foglia dans la presse. Maillon, y a compris, ce qu'ils écrivent, c'est con, ça rien à voir, son con. Comment c'est veux-tu vrai, comprendre ce qui se passe, t'es con? Les journaux parlent du rap et du suicide comme s'ils savaient ce que c'était, son con. 1. Vous savez rien sur suicide. 2. Vous savez rien sur la RAP. Hier, vous étiez en train d'écrire sur le rock and roll puis les BMW. Puis aujourd'hui, vous voulez écrire sa réalité déconnectée qui vous permet de prétendre que vous pouvez comprendre. Vous avez rien compris, vos gueules. Ceux sur les milieux connaissent l'enjeu, vous êtes ben trop vieux. Prétentieux, ce que vous faites, c'est dangereux, y'a le cave. Si tu sais quoi, de regarder tes souliers quand tu marches pour éviter le regard des racistes, le préjudice, la police. Et pas une scène dans tes poches, pas d'amour qui t'approche. Ton père qui est en dedans, pis ta mère qui danse, pis qui vend du hache. Pendant que les enfants de riches ont un char 9 à 16 ans. Fait que ta gueule, ils demandent pas à Patrick Bruel si t'as le droit, t'as pas le droit. Mais moi, j'comprends ceux qui partent, j'comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime. J'comprends ceux qui partent, j'comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime. Moi j'ai le droit, j'ai un cousin José, un frère Jason, pis une gang de boys qui sont passés l'autre bord. Peace, one love, fait quoi t'amener de l'autre bord? Tu veux savoir pourquoi y'en a qui suicident? Mais ta gueule, monte le son, pis listen. Quand y'a plus rien qui clique, tu te sens seul. Même que t'es en public, que personne n'est comme toi. T'es unique, pis personne te respecte, tu deviens fragile. T'es prêt à tout faire pour de l'attention, de l'amour. Tout est gris, y'a plus rien qui semble sûr, solide. Tu t'en mets tellement que tu penses au suicide. Qu'est-ce que de l'autre bord, qui est de l'autre bord? Tu t'en fous des tabous, ça peut pas être pire, l'autre bord. Ici c'est l'enfer. Fait que tu pars, le monde pense à cause de la dope et la musique que t'en parles. Mais yo, la seule chose que la dope et la musique peut faire un suicidant, c'est sûrement de garder plus longtemps sur la. Ici la musique l'a vraiment fait suicider. Comme l'équipe qui se sont tués pour aller voir Nirvana en concert en enfant. C'était aux parents de leur élever leur enfant. C'est dur d'en parler, mais parlez-en pour l'amour des enfants. Parce que c'est le manque d'amour qu'il y en a qui a. Parce que si t'as de l'amour du monde que t'aimes, que t'as pas de problème. Mais réalité, man, check it out. Je comprends ceux qui partent, je comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, ne juge pas, j'aime. Je comprends ceux qui partent, je comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, ne juge pas, j'aime. Je comprends ceux qui partent, je comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, ne juge pas, j'aime. Je comprends ceux qui partent, je comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime. Suicide a pas d'âge, pas de race, pas de face. Laisse parfois une trace, une lettre qui explique pourquoi. Une lettre qui dit souvent, excusez-moi. Je sais que je suis pas correct, je vous ai fait de la peine. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Ou qui explique quel est le problème. Le dilemme qui le force à se suicider comme une fille. Y'en a qui aiment tellement un des personnes et qui veulent pas vivre sans elle. Ils se disent que si je l'ai, ça va régler mes problèmes. Puis souvent ils l'ont pas, mais ça fait un dilemme de trop. Comme Anoudette et Sophie, m'en disent pour ça qui est parti. D'en haut du pont Jacques Cartier, peace à nous d'être de la part de MAB et le monde de AB. Tout ça pour dire que le suicide c'est la fin d'une route où on voit plus devant soi, y'a plus rien, juste du noir et blanc où on sent rien. Même le choc, la mort devient rien. La dépression totale, stress anormal qui cause l'acte fatal. Fait qu'arrête d'écrire des conneries sur suicide, vos gueules. Personne sait encore pourquoi Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, James Dean, Apollo Queen, Savannah. Des riches et célèbres se sont suicidés. Des pommes inconnus se sont suicidés. Wow. Des jeunes et moins jeunes, fac vos gueules. Arrêtez d'imaginer, suicide est une réalité. Et comme le stress, SOSPS. Casey Hermanopi pense que suicide c'est pas une solution. Tue-toi pas parce que les autres sont cons, c'est con. Pis c'est l'harmonie aux familles de ceux qui se sont suicidés. Je comprends ceux qui partent, je comprends ceux qui restent. Peace, fais ce que t'aimes, juge pas, j'aime.